Dans la clairière des grands saules, les feuillages frémissent au passage du vent. Mais est-ce bien le vent? Parfois, des petits rires jaillissent en cascade. Le soleil filtre entre les branches et quatre demoiselles semblent glisser sur les raies de lumière et danser au-dessus des fougères. Elles ont des airs de libellules tant leurs gestes sont délicats.